c'est la mort vos trousses, le podcast qui... Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Jour 8 à la mort vos trousses, jour 8 du confinement, comment vas-tu Marion? Eh bien écoute, ça va pas trop mal. Mm-hmm. Et toi-même? Moi ça va aussi, écoute, cette belle odeur de gâteau à la pomme que tu viens de faire est particulièrement alléchante. Mm-hmm. Et je crois que l'illumination de ma journée est toute trouvée. Oui, je pense qu'on a la même. Voilà. Et ouais, voilà, donc on arrive à la... C'est officiellement une semaine de confinement. Ouais. Voilà, moi aujourd'hui j'ai redécouvert les joies d'écrire, de prendre mes notes à l'écrit, parce que j'en peux plus de l'ordinateur. Moi pareil. Donc c'est cool. Voilà. C'est là où on voit aussi qu'on partage le même cerveau, puisqu'on a eu la même idée le même jour. La même idée au même moment. Sans se concerter. Ouais, c'est ça, clair. Ça, c'est beau. Donc, c'est plutôt pas mal. À quand la fusion Power Rangers, voilà, entre nous. Fusion. Bon, enfin bref. Ouais. En parlant de fusion, oui, ça n'a rien à voir, mais aujourd'hui, on a décidé d'aller dans le Sauternes. Voilà, près de Bordeaux, et on appelle notre chère amie Mylène. Voilà, on l'appelle tout de suite. Allô. Youhou. Allô. Ça va? Ça va et toi? Très bien, un peu épuisée de ma journée, mais ça va. Ouais, parce que toi, tu travailles encore. Et ouais, moi, mon confinement, en fait, ça, c'est pas vraiment un confinement, à part les week-ends, bon, voilà, ça me change pas trop mon quotidien. Alors, qui es-tu, Mylène? Présente-toi aux auditeurs qui ne te connaissent pas, ils doivent très peu, mais... Alors, moi, c'est Mylène, Millard, pour les intimes. je suis œnologue, et je suis une grande amie de Marion et Claire, voilà, depuis quelques années déjà. Ouais, quelques années. Ça fait un petit bout de temps, on a fait un petit bout de chemin ensemble. On a fait un petit bout de chemin de vie ensemble. Alors, tu es œnologue et donc, c'est pas juste, tu fais pas juste que goûter boire du vin et boire du vin, ce que tu fais très bien au demeurant, mais oui, d'ailleurs. Tu fais pas que ça. Parce que sinon, enfin. Tout le monde pourrait le faire. Voilà, enfin, moi aussi je suis œnologue, si tu veux. Qu'est-ce que tu fais vraiment? Alors, mon métier, je vais faire ça un peu, hein, parce que sinon je pourrais m'étaler pendant des heures. Ah non, mais fais ça très professionnellement. Ne prends pas nos auditeurs pour des bûches. Hein. Oups. concrètement, que je fais? Bon, je vais parler de mon poste actuel, parce que le métier d'œnologue est très diversifié. Mm-hmm. Actuellement, je gère une propriété. De 14 hectares, une propriété familiale, et je suis assez polyvalente, c'est-à-dire que je fais de la gestion à la fois à la vigne, donc tout ce qui est travaux de la vigne annuelle, où il faut être présent, surtout en ce moment, vu qu'on est dans une période où c'est le débourrement, et ça y est, les petits bourgeons éclosent. Le débourrement, alors attends. J'aime beaucoup ce terme-là. On peut développer un peu ou pas? Toi, Mylène, pendant le confinement, elle débourre. Ça débourre. Elle débourre les bourgeons. Si vous voulez débourrer des bourgeons, ça, oui. ça donne des feuilles et... Ouais, quoi. Ok. Non, mais concrètement, c'est le bourgeon qui sort et qui est clos pour donner la fleur, la feuille, enfin voilà, comme une fleur, quoi. Ok. Magnifique. Et donc oui, c'est pour ça que en fait, t'es pas confiné, enfin t'es obligé d'être sur le terrain. Parce que moi, je dois être sur le terrain, quoi. Et ouais, la vigne, elle n'attend pas, donc il faut que je sois là pour contrôler tout ça. Vérifier que tout se passe bien, je gère quand même des équipes. Mmh. Voilà, il y a quand même tout le monde dans la vigne, les gens sont très loin les uns des autres, mais il faut que je gère tout ça. Et je fais aussi, mon métier me permet aussi d'être au chai. Bon, en ce moment, je suis toute seule, il n'y a pas grand-chose à faire, on est dans une période un peu calme. Mais sinon, je fais ce qu'on appelle des assemblages de vins qui vont donner le futur vin... de la propriété, donc voilà, j'ai des barriques, c'est un peu de la petite cuisine, hein. Ouais. C'est un peu ça. Okay. Voilà, et j'ai une partie aussi administrative, voilà, de traçabilité, voilà. Mais concrètement, le métier d'œnologue est, voilà, je fais du vin, du raisin à la bouteille, c'est moi qui assure tout le process, quoi. Okay. Voilà, et je donne mes indications de technicien. Quelle femme incroyable. Ouais, c'est clair. Est-ce que du coup, t'as des directives de ta patronne, tu vois, genre qui te dit, moi, je veux un vin qui a ce genre alors, de goût ou truc comme ça, ou c'est vraiment toi, tu fais ce que tu veux? Alors oui, parce que comme ça fait quand même, c'est un vin qui est produit depuis quand même pas mal d'années, vu qu'il est passé, on va dire, dans la famille. Il y a pas mal de descendants, il y a quand même un certain profil, il y a un process quand même à respecter. Alors que si on décide de créer un nouveau produit, là c'est vrai qu'on peut avoir des petites idées. Moi je veux un vin qui soit plus fruité, plus acide, enfin des fruits, ça peut être nouveau. Et donc dans ces cas-là, on va créer quelque chose. Mais là quand même, il y a une trame, il y a un profil qui est recherché. La directrice, elle sait exactement ce qu'elle veut et ce qu'elle veut pas. Ouais. Et en fonction, voilà, ça se fait à la dégustation après. Donc c'est pour ça que je picole un petit peu, mais... Et tu craches, du mais coup? Mais je crache. Mais je crache. D'accord. Oui. C'est très sensuel, ce métier. Hein. Ah oui, alors là, on débourre, on crache, c'est très érotique comme filière. Ouais. C'est pour ça, en fait, que tu t'es lancé ouais, dans voilà. ce métier. Je comprends mieux. Voilà. Ouais, voilà. Et tu disais donc tu as une directrice, toi-même, c'est toi qui a en main les opérations. Est-ce que y a beaucoup de femmes dans ce métier qui ont des postes à responsabilité? Alors là, j'ai eu beaucoup de chance d'intégrer ce type de poste. Je suis diplômée depuis peu de temps, enfin, depuis 2 ans, donc je suis arrivée un peu par hasard, CV en main, un peu à la gueule. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous cherchez? Est-ce que vous avez besoin de quelqu'un? Tout ça. Et il se trouve que ben voilà. Après, il y a beaucoup de femmes sur le domaine. Hein. C'est essentiellement des femmes. Il y a un homme. Okay. Donc il y en a qui disent que c'est du vin de femme. Enfin, je trouve que c'est une connerie de dire des vins. Bah, c'est du vin de gonzesse. Des vins de gonzesse. Non, j'ai eu beaucoup de chance. Après, c'est des postes. Ouais, ça peut être rare comme poste parce que, enfin, d'accéder à ce type de poste quand t'as pas d'expérience. Là, on me l'a donné. Voilà, je me donne à 200%. Pour l'instant, je oui, on te l'a donné. T'as quand même un CV déjà long comme le bras. Et... Oui, j'ai un. Ouais, enfin, t'es pas là par hasard, Mila. Non, c'est ça, mais c'est. Voilà, bon. Ça l'a fait, je suis contente et on verra pour la suite. Ouais. Magnifique. Trop bien. On te souhaite bonne chance pour la suite. Après, ça va peut-être être la fin du monde, donc. Ouais, profites-en, quoi. Profite tant que t'es en vol deux, trois barriques, quoi. Et alors. Je ne cracherai plus si c'est la fin du monde, je bosse. De quoi? Tu cracheras plus si ça. Je cracherai plus. Ah ouais, crache pas. Voilà. Débourre et crache pas. Hein. Et du coup, de ton expertise, on a besoin de ton expertise. Comment bien choisir son vin de confinement? Alors, comment bien choisir son vin de confinement? Ouais, disons que je veux un vin, tu vois, un vin un peu qui empêche la mélancolie, un vin qui me fait voyager, mais par les sens, tu vois. Alors, tu veux un vin pour partager avec ta colocataire? Est-ce ah, que tu ça veux oui. un vin pour accompagner un plat? Ouais. Éventuellement, éventuellement, oui. Ben déjà, qu'est-ce que vous aimez comme type de vin? Je suis sûre que vous aimez les vins sucrés. Non, bon, tu sais, avant, moi, j'aimais plus les vins sucrés, c'est vrai, parce que je pense que j'étais pas encore une femme. Mais maintenant, plus ça va et plus j'aime les trucs, tu vois, genre un peu corsés, quoi. Ouais, moi j'aime bien les vins. Genre la villageoise. Non, pardon. T'aimes les vins corsés, les vins qui ont du corps, qui charpentés, tu vois. Ouais, charpentés. Je les aime comme mes hommes. Je les aime comme mes hommes. Gras. Ah non, pardon. Un vin qui a les couilles, quoi. Ouais, tout à fait. Non, après, un vin pour le confinement à partager entre amis, moi je partirais plus sur un petit blanc sec, un petit. Voyons. Non, vous m'avez dit des vins sucrés. Non, pas forcément. Putain, t'écoutes pas, Mylène. Pour moi, c'est ou je le conseille ou moi, ce que je boirais. Bah, les deux. Tu vas pas conseiller un truc que tu boirais pas, non? Je sais pas. Oui, non, mais oui, c'est vrai. Tu vas pas conseiller de la pizza, bah, de contraire, si je suis aussi bonne commerciale, je peux vous vendre vraiment de la pizza, hein, si vous voulez. Ouais, c'est vrai. Bah, essaie de nous vendre de la pizza, vas-y. Non, je peux vous vendre un petit blanc sec de la propriété, il est excellent. Voilà. Ah, là, elle essaie de faire du placement de produit. T'es tellement corporate, Mylène. C'est magnifique. De quoi? T'es tellement corporate. T'essaies de vendre ton produit, ton propre produit, c'est magnifique. Attendez, je l'ai fait goûter la dernière fois en plus, mais je sais pas s'il a été apprécié. Ouais, il était pas ouf. On entendait. Par contre, celui que t'avais ramené de ton ancien poste là. Oh là là, c'était incroyable. Dans les Côtes-du-Rhône. Ah oui, il était incroyable. Que j'allais vous. Ouais, mais j'étais peut-être partie pour un rouge, j'étais partie sur celui-là, Côtes-du-Rhône, Gigondas, Château Saint-Côme, sans vouloir faire de pub. Mais celui-là, il est incroyable. Ah ouais, il était fou, celui-là. Ouais. Ouais, il était trop bon. Je crois que j'ai jamais bu un vin aussi bon, hein. Il était fou. Je peux le proposer en confinement, j'aurais plus dit du blanc sec, mais. Moi, je suis plus rouge que blanc quand même. Hein. Ouais. Rouge Côtes-du-Rhône, alors celui-là. Allez, ça part. Là, on a décidé de se faire une petite tournée des châteaux. Voilà. Des châteaux de France, des vignobles de France, et donc du coup on achète du vin blanc, du vin rouge de différents endroits. On a fait Gaillac, Languedoc et re-Languedoc, ouais. Parce que je me suis gourée. Et un troisième, mais je sais plus. Voilà. Génial. Ouais. Vous achetez ça au petit carrefour du coin ou alors moi, non. Moi, Ferme Attitude. Et ouais. L'autre, je sais plus où je l'ai trouvé, Monop, je crois. Enfin, vraiment, le petit caviste qui est pas loin de chez vous. Mais il est fermé, je pense. Ben, il est fermé, ouais. Ouais. C'est pas vu comme étant un truc de première nécessité. Non. Alors que si. Dommage. Ça devrait clairement être le cas. Ben, merci beaucoup pour ces conseils. Ces petits conseils. Ah ouais, franchement, on n'y pense pas assez. Ouais. Et donc, du coup, bon, bah, toi, ce serait le vin que tu choisirais, le vin rouge, là, que t'as conseillé? Ouais, voilà, ouais. Genre le dernier vin que tu pourrais boire, ce serait ça? Ouais, il y en a plein d'autres, mais c'est vrai que celui-là, je l'ai particulièrement aimé. J'en ai acheté plein de bouteilles et j'en ai bu aussi plein. Ouais. Ah ouais, mais en blanc, décliné en blanc, il est bien aussi. Voilà, okay. Il est en blanc aussi. Voilà. Et il se vend, genre à Carouf et des trucs comme ça? Non, il se vend uniquement à la propriété. Après, moi, je peux en avoir parce que je peux faire arriver du vin. Normalement, ils doivent m'en envoyer, mais bon, en ce moment, ouais, c'est un peu compliqué. Mais si tu pouvais nous envoyer une petite caisse, ce serait pas mal. Oui, ce serait apprécié, Mylène, je te le dis. Et je vous ferai goûter aussi le fameux rosé que j'ai produit. Ah ouais. Qui sera sur nos tables cet été, quand on sera plus confiné. Trop cool. Excellent. Et d'ailleurs, en parlant de cet été. On en pense quoi des férias? Vont-elles être annulées? J'ai très très peur. Moi j'ai extrêmement peur. Moi j'espère pas, hein, parce que sinon je vais vraiment finir par vraiment me saouler avec du vin et creuser un trou et me mettre dedans. Hein. Donc, tu sautes dans la barrique. C'est fini. Non, j'espère pas parce que moi je vis pour les férias et surtout pour les battles de danse qu'il y a pendant les férias. Ah ouais, bon, ça après tu sais bien que cette année ça va pas être le cas même si elle est férias, mais parce que rip ma jambe. T'inquiète pas, je vais te porter, on va trouver des combines. C'est ce que Lolito m'a dit aussi, ouais. On va te porter, mais. Au faute de Tyros. Je vous regarderai. Tyros. Ouais, c'est vrai qu'on vit un peu pour les férias l'été, on attend un peu ça, mais franchement, je sais pas si ça va être maintenu parce que c'est. C'est quand les fêtes de Tyros? C'est le mi-juillet. Mi-juillet. C'est mi-juillet, il y a Monin début août. Bon, Monin, je pense que ce sera maintenu, non? Oui, Monin, je pense que oui. Ben, je sais pas, espoir, je fais tous les soirs. Mais franchement, je serais tellement. Enfin, ouais, ok, c'est mi-juillet, mais en sortant tout pile d'une. Enfin, on va sortir du confinement, on sait pas quand déjà, et la sortie du confinement veut pas dire que l'épidémie, enfin, la pandémie est écartée. Ouais. Hein. Ouais, ouais. Donc, à mon avis, ça va durer un petit moment quand même. Donc, bon. Je sais pas, on va contacter de toute façon en fin de semaine là le. Le comité organisationnel de Tyros et on fera un petit point avec lui voilà pour gérer la crise. Okay, quoi. Vous, vous me tenez informé. Ah oui, bien sûr. Ah oui, oui, pas de problème. Écoute, évidemment. Tu seras la première informée. On est là pour ça. Mais au pire, on se fera des tous les week-ends des grands apéros les uns chez les autres. Puis voilà. Oui, ça, ça on aura qu'à s'habiller en rouge et blanc et on fera comme si. On fera comme si. Ouais. On mettra les mêmes musiques. Les reportées, elles seront en septembre. J'ai l'impression qu'il y a tous les événements qui sont en septembre. Septembre va être en septembre. Ouais, ouais, mais enfin bon, téléporter les férias en septembre, ça me paraît quand même un peu compliqué. Quoi. Ouais. En même temps, on aimerait bien qu'il y ait des férias, pas que l'été, mais toute dans l'année aussi. toute l'année. Ouais. Tout le temps les férias. Est-ce que si tu devais, devenir présidente, est-ce que ça ferait partie de ton programme? Genre des férias, mais en hiver? Je pense que ce serait la... La première, ce serait du lard à volonté pour tous les gens qui ont envie de manger. Et ouais. Puis la deuxième, ce serait maintenir les férias toute l'année. Ouais, bah, une féria par mois. Une féria par mois, ouais, par ville, ce serait incroyable. Ouais. On pourrait faire la tournée des férias. Putain. Et ce serait fou. Et je pense qu'on sera alcoolique. Je vais penser aller à la fête du jambon et je suis trop dégueu. Ah ouais, non. Ah, mais parce que du coup, est-ce que ça a été annulé ou repoussé? Ça a été annulé. Ah, je sais pas. C'est repoussé en juin. Bah, on pourra toujours y aller. Ouais. Ouais. Enfin, moi non, mais. Non, toi toujours pas. Hein, moi, je vous regarderai. T'inquiète, j'irai avec toi, Miller. De quoi? J'irai avec toi, Miller, si Claire, elle veut pas venir. Très bien. Ouais. Très bien. Ça me va. Mais, ouais, moi en plus, j'avais trop envie d'y aller cette année, j'y suis encore jamais allée. La première fois que j'ai entendu parler de la fête du jambon, c'était à table chez moi. Et en fait, mon frère venait d'y aller ou un truc comme ça. Et mon père disait qu'il y avait été aussi quand il était jeune. Ouais. Et donc, je lui ai demandé... J'ai demandé à ma mère si elle y avait été avec lui. Et là, mon père a dit « On n'amène jamais son jambon à Bayonne. » Oh, non. Wow. La classe voilà. À Vegas. Donc, spéciale dédicace à mon père. voilà. Et donc, c'était la première fois que j'avais entendu parler de cette fête et ouais cette foire et j'y ai encore jamais été donc ouais, j'aimerais bien j'amènerai mon jambon de Marion alors ouais. Allez est-ce que ça consiste en juste manger du jambon et boire bah oui je sais plus pas ou moins. Discuter avec des gens ouais. Oui bon enfin oui ah, discuter avec des gens d'accord oui. Ouais si bon, tu voilà. Veux Mais c'est principalement manger du jambon. Je pense que t'as bien résumé le truc, oui. Ah, ouais, ok. C'est le principe, oui. Non, mais c'est magnifique. Une foire au jambon. Finalement. C'est magnifique. En même temps, je vis pour la nourriture. Hein. Enfin, voilà, je sais pas. Toutes nos conversations, quand même, tournent autour de se saouler, de boire et de manger. Ouais. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et d'ailleurs, j'allais te demander, du coup, parce que toi, tu sors avec un mec qui adore ouais. Faire la cuisine et qui est d'ailleurs en train de faire la cuisine, là, si je ne m'abuse. En train de cuisiner, là. Il cuisine. Oh Yann, il cuisine. Et donc du coup, est-ce que tu peux le faire venir 2 secondes pour qu'on lui demande quel serait son meilleur, enfin à toi aussi, votre meilleur accord et vin, accord mai et vin. Je l'appelle. Pour le la confinement. Yann. est-ce que tu peux venir 2 secondes pour un accord mai et vin STP. Quoi, alors, je vais pas trop bouger le téléphone, on sait jamais, ça risquerait de la bosser. Eh, salut. Attends, je mets le haut-parleur, voilà. Ok. Salut Yannouz. C'est bon, on vous entend tous les deux. Ok, parfait. Ça va Yann? Ça va, et vous, ça va? Bonjour. Ça va, ouais. Qu'est-ce que tu nous cuisines là? Une petite purée de pommes de terre maison avec une pomme de muscade, okay. Des petits épinards aussi. Et voilà, c'est beaucoup d'amour. Et il n'y a pas de viande? C'est quoi ce délire? Non, il n'y a pas de lard ce soir. Ah, vous faites de la diète? Non, je sais pas. On a quand même pas mal mangé. Mais qui a mis une plaque de beurre dans la purée. On a mangé du gras, on se calme un peu, voilà. D'accord. Habile. Et donc du coup, toi Yann, tu fais la femme au foyer en ces temps troubles? Exactement. Ouais. C'est pas comme dans les années 60, tu vois. Je t'imagine avec un petit tablier. Ah ouais. Tu dois être très mignon en tablier, Yann. Il est nu sous son tablier. Ah bah super, tu vas le débourrer. Tu vas débourrer Mylène ce soir. Non, c'est lui qui va me démonter. Et ouais. Et donc, du coup, Yann, qu'est-ce que tu ferais, genre, dernier repas sur Terre, si finalement, cette pandémie, c'est la fin du monde? Qu'est-ce que tu proposes? Ah, bonne question. Je sais pas, là j'aurais envie d'une grosse côte de bœuf au barbecue. Allez. Et avec le petit rouge de tout à l'heure, impeccable. Voilà, ouais. Voilà, super. C'est irrésistible. Voilà. Bah, vous êtes trop fort, vous complémentez tellement, quoi. Complémentez. Ah ouais. Ça c'est mon ordre. Complété. Oh, waouh. Bon, ouais, c'est l'image de la côte de bœuf qui te fait parler. C'est la côte de bœuf, ça m'a fait délirer, j'ai oublié les mots. Les mots du français. Et OK. Ouais. Et du coup autre question qui m'est venue là, mais si vous deviez faire un dernier repas avec cette fameuse côte de bœuf et ce fameux vin et vous avez le droit à inviter 3 personnes. Alors enfin, 3 personnes chacun, ça peut être des personnes connues, des personnes qui sont déjà mortes ou des trucs comme ça, mais votre dernier repas de rêve, c'est quoi? Il y aurait qui? Chacun, vous pouvez choisir. Wow, 3 personnes en tout ou 3 personnes chacun? 3 personnes, 3 personnes chacun. Chacun. 3 personnes chacun. Ben moi, je veux partager avec mes amis, je trouve que c'est cool. Ouais. Je vous prends toutes les deux, les filles. Ah, allez là! La côte de bœuf. Oui, franchement, une personne connue, je me dis, je la connais pas, les gens, enfin voilà, on va faire chier, des gens qui aiment la viande, des viandards. Mais il te manque une personne, Mylène. Et ouais, je sais, mais je sais pas qui d'autre. C'est pas pour Yann. Je sais pas, moi. Voyons, qui c'est que je pourrais. J'arrête pas d'aller qui Hein? J'arrête pas d'aller qui Oh putain, merde, maintenant que je viens de vous dire vous deux, je pense à Aaron Johnson aussi. Ah, putain, Mylène, il faut choisir Jared ou Aaron. Non, Jared. Ah, Jared. Bien sûr, bien sûr. Je pense que c'est plus un viandard qu'Aaron Johnson. Aaron Johnson, il a une tête à être un peu végétarien. Un peu difficile, je crois. Ouais, c'est vrai, il a un peu casse-couille, ouais. Ouais. Ok. Et toi, Yann? Ben moi, pareil, j'invite des potes. J'arrête pas d'aller qui? C'est quoi? J'arrête pas d'aller qui, toi aussi? Exactement, voilà. T'invites qui comme tes potes? T'invites Adjadji? J'invite mon copain Bastien, j'invite mon copain Camille. Il y a même mon copain. Et puis j'invite, mais moi, il me faut 4 places. Ah ben non. Il y en a un que tu étais obligé de... Non. Alors non seulement, il y en a un que t'as pas le droit d'inviter, mais en plus, il meurt. Ouais, voilà. Donc... Il faut faire le choix. Ah, en fait, c'est les règles. Oui, oui. C'est la fin du monde, hein. C'est pas le Club Med. Attends. Eh ben, j'invite l'excellentissime Francky Vincent. Voilà. Ouais. En vrai, je pense que ça peut être grave drôle. Mais quel dernier repas avec Francky Vincent, ça doit être incroyable. Horreur, jamais de la life. Si. Oh. Toi, Marion, tu fais quoi? Moi, je fais quoi? Alors, moi, j'invite. Pas toi, parce que je t'aurais trop vu, je pense. Ça m'aura saoulé. C'est bon, quoi. Bah, c'est bon, moi non plus, je pensais pas à toi, tu sais. Voilà. Moi, je pense que j'invite. Putain, mais c'est trop dur parce qu'on a trop de potes. Ben, invite pas des potes. Moi, j'ai pas prévu d'inviter des potes. Ah oui? Dernier repas sur terre. Mais non, parce que. Ben, si, ben, j'aimerais bien le faire avec tous mes potes, mais là, voilà, quoi. Je peux pas choisir. Ouais, c'est vrai que c'est un peu dur. Enfin, je peux choisir, mais je préfère les potes, ça. C'est cool, mais bon, ouais. Ouais, en fait, moi, vous êtes en train de me dire que j'aurais pas dû choisir mes potes. Ah, bah, trop tard. Mais toi, tu fais ce que tu veux, hein. Putain, ceux qui vont écouter le podcast, ils vont se dire, ouais, on n'a pas choisi. Mais c'est pour ça, moi, je veux pas me mettre à dos ouais, c'est vrai. Les gens, donc. C'est ça, alors pour éviter tout incident diplomatique. J'aurais dû mettre mais merde, je peux pas donner le nom de cette personne à un podcast. La personne que le nom de la personne que je nomme souvent à un jeu qui s'appelle je sais. Oui, je sais. Un homme qui serait croisé avec un sacochère. Oui. Non, ne dites pas son nom. Non, on le dit pas, on le dit pas. On dit pas. Oh mon dieu, quel noir. Oui, d'accord. Oui, oui, d'accord, okay, on a compris. Bref, on s'en fout. Et tu ferais ton dernier repas avec lui, t'es sérieuse? Avec lui? Non, c'est une question, tu préfères passer ton dernier repas avec lui ou... Non. Ou te faire traîner sur le goudron chaud. Voilà. Me faire traîner sur le goudron chaud. Non, je déconne. Marion, donc du coup, tu fais... Oui, pardon. Moi, j'aimerais passer mon dernier repas avec des gens hyper fun, genre vraiment trop drôles. Pas tes amis. Hein? Non, je disais pas tes amis. Non, du coup, non. Voilà. Je sais pas, moi, genre Guillaume Meurice. Comment elle s'appelle, celle qui fait Fleabag, là? Phoebe Waller-Bridge. Phoebe Waller-Bridge et quand même Bruce Springsteen. Ouais, ce serait classe. Voilà. Moi, le truc, c'est que si je mets des personnes comme ça que je fréquente pas, j'ai peur de me faire chier, en fait. Moi, je veux des personnes avec qui je connais bien et avec qui je me marre, tu vois. Mais tu fais ce que tu veux, mais bien. C'est pour ça qu'il... Ben oui, non, mais nous, on est flattés que tu nous aies choisis, hein. Je suis ravie. Je serai là. Je serai... Je vous aime, hein. Waouh, voilà. Wow, tout le monde le sait maintenant, Mylène. Bouh. Je t'aime, mais il ne le sait pas. Et toi, est-ce qu'on peut raconter ça un peu? Est-ce qu'on raconte cette anecdote ou pas? Est-ce qu'on raconte? Non, c'est intime. Hein? C'est intime. Attends, je ne veux pas le dévoiler au monde entier. Ouais, bon, c'est vrai, t'as raison. C'est entre nous, Clément. C'est dommage. Donc, Claire... Moi, ouais, alors, pareil, je miserai sur des gens connus que je sais qui sont drôles et que donc je passerai un bon moment. Je pense là, ce qui me vient à l'esprit, c'est Andy Samberg. Ah ouais, putain. Qui est génial, le mec de Brooklyn Nine-Nine, entre autres, mais que putain. J'adore. Donc lui. Bah, Tina Fey et Amy Poehler, je pense. Ah ouais. Ce serait grave drôle. Franchement, ouais. Voilà, attends, non. J'en enlève une. J'enlève Tina Fey et je vais mettre un beau mec quand même. Parce que bon, pas, tu vois. Un beau mec. Un beau mec. Ce serait dommage de se priver. Ce serait dommage de se priver, exactement. Et qui je mettrais alors? Je mettrais James McAvoy pour voir si je le trouve aussi beau en vrai qu'à la télé. Ah ouais. Et là, ce serait fantastique. Ouh! Ah non. James Quoi? McAvoy ou Brad Pitt. Ah putain, je sais pas. Putain, je sais pas. Bon, voilà. Ce sera l'un des deux et l'autre mourra, mais. Ouais. Ce sera comme ça. James McAvoy, il est plus fun que Brad Pitt. Désolé, Brad. Voilà. Très et bien. Ce sera pas mal comme. Ce sera ouais, pas mal putain, comme on aurait une belle tablée là. Tous. Ouais. Ce serait drôle. C'est clair. Ce serait magnifique. On peut pas faire la tablée tous ensemble? Ouais. Ben, on se fait ça la veille. Voilà. On fait ça la veille, voilà. On se prépare pour le lendemain. On fait un repas la veille, comme on fait à chaque vacances de Noël où tous les jours on a un repas différent avec différentes personnes. Et au final, on ressort des vacances de Noël avec 10 kilos en plus. Ouais. Mais on fait pareil. On mais... de faire de la pizza en apéro et une raclette en prof principal aussi. Oh, tu te moques pas de. Ça, c'était fantastique. Parce que... C'était quoi, c'est chez moi ça? Mais oui, la pizza en entrée, la raclette en plat principal. Qui c'est qui avait amené la pizza en entrée? C'était Dorian? Non. Je sais plus. Mais en tout cas, il a été complètement dingue. Bah, ça a été mangé, hein? Non, pas que ça a été mangé. Oui, c'est vrai. Je suis pas sûre d'en avoir. Enfin, quoi que. Bon, oui, oh, arrête. Bah, arrête-toi, Mylène. C'est sûr. Tout le monde le sait, hein. T'en as mangé. C'est comme à la soirée en juin, hein, le but c'est de goûter tous les plats. Alors, c'est vrai que donc, ça fait 10 ans qu'il y a une soirée qui se fait tout en juin à chaque fois chez Marion. Et en fait, ça fait 10 ans avec Mylène que notre but, c'est d'arriver à goûter tous les plats parce que tout le monde ramène à boire et à manger. Et donc, il y a beaucoup, beaucoup de plats parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes. Et donc, nous, c'est vraiment notre but, c'est de goûter tous les plats, sauf que en même temps, on boit et au bout d'un moment, en fait, on est trop bourré pour se souvenir qu'il faut qu'on goûte tous les plats. Et donc, on finit par jamais goûter tous les plats. C'est quoi votre record de plats dégustés différents en une soirée? Vous savez ou pas? Bah, je sais pas. Je crois pas qu'on compte pas, en fait. Parce qu'on, mais non... ce sera un peu le challenge de cette année. Ouais. Pour les 60 ans de mon père. Essayer de tenir un compte et de vraiment de bouffer 60 trucs différents dans la soirée. Ouais, ça serait cool. Wow. Je vous fais confiance. Hein. Et on met une barre sur un papier à chaque fois qu'on mange un truc. Par exemple. Mais non, mais après, moi, je pourrais pas boire, donc c'est sûr que je vais manger, en fait. Ah bah ouais, bah, du coup, t'as de l'avance. Ouais, ou alors je vais être bourrée sur ma chaise. Il faudra m'attacher sur la chaise pour pas que je sois tentée d'aller danser et de m'exploser la jambe. Ouais. Et je serai là comme ça. Vas-y, les brochettes. Et voilà. Très bien. C'est un défi que je vous lance. Voilà. Ok. Rendez-vous le 27 juin, Inch'Allah. Devant la France entière. Voilà. trop bien. Bon. Bah, ce défi sera relevé avec brio. On pensait, sans transition aucune, on pensait faire un test de confinement avec toi et Yann, s'il est encore dans les parages ou s'il est en train de labourer sa purée. Il est reparti peler les patates. Non, mais ça peut se faire qu'avec toi, si tu veux. Oui, on s'en fout, en vrai. Ouais. Alors, attends, j'ai le... Non, tu l'as ou c'est moi ouais, qui l'ai? Oui, je l'ai, là. Non, donc, en fait, c'est un test. Votre couple résistera-t-il au confinement? J'ai peur. Tu es là? T'as peur? Ça va bien se passer. Alors, il faut savoir que ce test, on l'a trouvé sur un site littéraire, donc c'est des questions un peu genre... Voilà. Mais on va voir ce que ça donne. On n'a pas vu toutes les questions. Ouais, non, on n'a pas regardé trop. Alors, oh, au pétard. Vous avez acheté le Kama Sutra récemment, oui ou non? Non. Ah, okay. Nous non plus, hein. Parce qu'on le fait en même temps aussi. Nous non plus. Ouais, mais si on n'a pas les mêmes réponses, on va pas pouvoir le faire. Bon. Non, mais on pratique. Oh, super. Allez, votre moitié ne sait pas qui est Philippe K. Dick. K. Dick. Votre moitié. Bah, Yann, quoi. Est-ce qu'il sait qui est Philippe K. Dick? Alors là. Demande-lui. Oh, Yann! Yann, tu sais qui c'est Philippe K. Dick? Qui c'est Philippe Kaidic? Oui. Ok, merci. Et est-ce que toi, tu savais qui c'était? Non, absolument pas. Alors. Il me dit c'est un écrivain. Ouais. Oui, très bien. Qu'il est fort. Je voulais te faire croire que c'était un réalisateur de films porno. il utilise tes livres pour caler les meubles. Oui ou non? Non. Mais est-ce que toi, tu fais ça pour caler les meubles? Parce que moi, j'utilise les siens pour caler les meubles. Ouais. Non, par contre, il les a soigneusement mis sur sa petite table de chevet, c'est trop mignon. Non. Il a 10 livres sur sa table de chevet près de lui. Magnifique. Alors, est-ce que Yann regarde en replay et en boucle la grande librairie? Non, tu regardes en boucle ou en replay la grande librairie? C'est nul ce test. Non, bah, c'est un test. Il faut regarder Top Chef, je pense. Ah ouais. Bah oui. Il se roule des joints avec tes exemplaires de la Pléiade. Alors bon, déjà t'as pas la Pléiade. La Pléiade. C'est quoi ces questions? Tu te roules des joints avec tes exemplaires de la Pléiade. Oui, c'est tout à fait Yann de faire ça. Ouais, c'est tout à fait son style. Ouais. Putain, il y a des pubs entre et tout, c'est chiant. Casse-toi. Oui. Attends, pardon. C'est des questions très... C'est un magazine littéraire, t'as dit? Ouais, ouais, c'est un site littéraire, en fait, que je suis, évidemment, en plus de lire Télérama. voilà. Oh, putain. Bah, oui, oui. Vous avez rangé 5 fois la bibliothèque depuis le début du confinement? Non. En plus, ici, c'est pas chez moi, j'ai pas de bibliothèque. Mais je rêve d'avoir une bibliothèque comme chez vous, les filles, un jour dans mon futur appart. Ouais, c'est vrai qu'elle est ouf, notre bibliothèque. Nous non plus, on l'a pas rangé 5 fois. Non. Il hyperventile en apprenant que ses best-sellers favoris sont annulés. Il hyperventile en apprenant que ses best-sellers favoris sont annulés. Non, je pense pas. C'est nul. On est vraiment pas des intellos. Il va acheter en douce des livres chez Monoprix. En double? En douce. En douce? Les mulets, les oreilles, c'est comme le cul, ça se lave. Mais non, mais j'entends, ça bug un petit peu, alors. Ah, pardon. Est-ce que tu vas acheter en douce des livres chez Monoprix? Non. Putain. Ah, mais casse-toi, la pub. Putain, c'est trop relou. Ouais, c'est grave chiant. Ah, non. Ah mais yo. Putain. Une petite musique de... Merci. il écume toutes les adaptations de romans sur Netflix. Non, ça, moi, par contre, je fais ça. Hein. Moi, je fais complètement ça. Ah, grave. Non, Yann n'a pas Netflix, en plus. Oh, putain. Putain, c'est un vrai intello, quoi. C'est un vrai de vrai. Il utilise les dicos et encyclopédies pour ses exercices quotidiens de pilates. il fait des exercices, mais pas du pilates. Il fait des exercices de quoi? Il fait de la muscu? Ouais, il a un tapis et chacun dans son tour, on prend le tapis pour faire des trucs. Trop mignon. Trop bien. Il décore son attestation de placement dérogatoire avec des enluminures. Putain, on aurait dû faire ça. Oh, grave, on devrait trop faire ça. Mon Dieu, mais si je réponds sincèrement, je dirais non. T'as le droit de mentir aussi. Hein. Ouais, t'as le droit de mentir. Est-ce que vous avez besoin d'une attestation de sortie, vous, dans votre... Bled, exactement. Moi, je la prends. Ouais, j'ai une justificative de mon employeur aussi. Ouais, au cas où. Il vous... vous a offert les 11 000 verges d'Apollinaire avant le confinement. Oui, t'as offert. Allez, avec le téléphone. Ah ben oui. Bah oui, bien sûr. Il a encore perdu le câble pour charger sa liseuse. Ouais, aussi. Raconte n'importe quoi. Putain. Il dit n'importe quoi. Il a pris position pour Amazon contre les libraires dans la livraison de livres. Mais quel enfer. Non. Non. Je ne peux pas croire. Ah non. Je ne peux pas croire que Yann fasse ça. Ah non. Vas-y, refais de la musique parce qu'il y a encore la pub. il vous reproche de lire tout Balzac plutôt qu'Harry Potter. Non, je vais plus lire Harry Potter que Balzac, me connaissant. Bon, Balzac, c'est grave de la merde, je déteste. Voilà. Je dénonce. Le Père Goriot, je lui chie à la gueule. Putain, t'es horrible. On a tous été traumatisés par le Père Goriot. Moi, non. Moi, je l'ai bien aimé. Mais moi aussi. Hein. Oh, mais putain. Alors, je vais vraiment être le cavalier solitaire de ce podcast. Hein. Mais je suis désolée. Entre la pizza à l'ananas. Non. Mylène, t'en penses quoi de la pizza à l'ananas? De quoi? De qui? La pizza à l'ananas. Non. Ah! Non. Merci, Mylène. Alors, un peu de bon fait, sens. Je l'ai aimé par le passé et en fait, j'aime plus. Ah, voilà. Non, mais alors, ça, c'est de la pression sociale. Non. Pas du tout, Mylène. Non. Ok, non. Bon. La pizza hawaïenne, quoi. C'est ouais. Dégueulasse. Merci, Mylène. Et bien, j'aime plus parce que je trouve que l'ananas, il masque trop le goût de tout le reste. Du jambon. Voilà, par exemple. Passer le goût de l'art. Oui, ça se conçoit. Est-ce que Yann se promène en toge et récite des vers de Virgile? Alors, en toge, c'est le drap du lit. Non. Non? Mais il fait des petits trucs un petit peu comme ça, quand même? Ah ouais? C'est sûr. Non. J'imagine bien. L'histoire retiendra qui fait ça. Est-ce qu'il a décidé d'écrire le roman de sa vie pendant cette période de confinement? Peut-être, non. Je vais dire oui, on sait jamais. On sait jamais, ouais. En fait, il est en train d'écrire. Il écrit en douce pendant que je suis pas là la journée. Ouais. C'est vrai. Musique de pub. À qui, professeur business? Alors, vous êtes fait l'un pour l'autre. Ah merde. C'est vrai? Ouais. Oh putain. Mais par contre, il y a pas. Là, on est fait l'un pour l'autre. Tu y crois ça? Mais c'est trop de la merde. On peut pas voir. Si c'est pas merveilleux, vous êtes tellement touchant. L'un finit la page, l'autre la tourne. Une véritable fusion. Merde. Une véritable fusion livresque. Quoi? Non, bon, j'ai pas pu le lire jusqu'à la fin, mais on va inventer un truc. Vous emboîtez si bien. Vous débourrez mutuellement les bourgeons. Voilà. C'est beau. Magnifique. Donc, tout va bien. Vous allez survivre à ce confinement ensemble et vous en sortirez plus fort. Très bien. Tout, c'est pas sûr, par contre. Bon, ben, ouais. Bon, mais on saura que ce test... C'est vraiment de la merde. Il était nasant, on aurait peut-être dû le... Oui, il était... Mais on l'a découvert en même temps que vous et c'était vraiment nul. Toi, t'en avais trouvé un sur Topito qui avait l'air plus drôle. On aurait dû faire ça. Bah, prochain invité, on fera celui-là. Prochain invité, on fera nos devoirs et on fera un truc mieux que ça. Oh, bah, génial. Donc, moi, j'étais le truc test pourri, c'est ça? Ah ouais, ouais. Bah, nous, on avait prévu, de toute façon, toi, ton épisode, ce serait de la merde. Puisque déjà, t'es. On peut pas te blairer. On a vraiment fait ça par pitié, hein. Ouais. On t'a appelé par pitié. Bande de grosses bites. De grosses quoi, Mila? Ça sera coupé au montage. Non, ça sera pas coupé au montage. Tout restera au montage et tu seras dévoilé à la surface du monde comme la personne vile que tu es. Oh là là. Merde. Ouais. Ouais. Oula. C'est toi qui siffle. Ça, c'est Yann, non? Non, c'est Yann qui siffle. Ok. Mylène, je sais ce qu'on va faire. Un autre jeu qui va être mieux et c'est un talent qu'on partage toutes les deux. Ah, j'en étais sûre. J'ai pas osé le proposer, mais allez-y. Et je propose qu'on présente même pas, on dise même pas ce que c'est. Non. Et qu'on se lance. Enfin, à toi l'honneur, toi qui es invité, vas-y. Mais tu sais très bien, Mylène, ce que toutes les deux, on sait très bien faire. C'était ça? Oui, c'était ça. Quoi d'autre, Mylène? C'était ça. J'ai eu tellement peur que je sois là. Voilà. Je crois que Yann en a un. Ah. Oh, il est nul. Oh, ridicule. Bouh, t'es trop nul, Yann. Retourne en cuisine, va. Voilà. Non, mais ce podcast, franchement. Oh, mais bien, niveau. Ce qu'on essaie de faire, c'est qu'on essaie de faire des chansons en paix. Vas-y, allez-y. Vas-y, Mylène, t'essaies de nous faire deviner une chanson en la faisant en pétant. De la bouche, Je crois qu'il y a personne qui la connaît, cette chanson. Alors, ok. Non. I'm too sexy for my shirt. Non, c'est très difficile à faire quand même. Attends, je reteste. Quoi? Non, je sais pas, c'est quoi? Bon, là, c'est un échec. C'est quoi? C'est un échec. Marion, je sens qu'elle en a perdu. Marion est partie. Mais c'était quoi la chanson? Mais c'était Breathing de Giuseppe Rolo. Ah putain! I only miss you when I'm breathing. Mais bien sûr! C'est pour ça que j'ai fait durer le P à la fin. J'ai zone des rouleaux en P, putain, mais c'est magnifique! Ah ouais! À toi, Claire. C'est bien choisi. Putain, attends, je sais pas. C'est quoi? Attendez, mais en plus, je suis con, j'ai pas fait le refrain, j'aurais dû faire la fin. Non! Attends, mais je crois que je connais. Je refais le... Vas-y, vas-y, attends. Non, c'est pas ça. Non. Putain, Mylène, c'est quoi? Franchement, je crois que j'allais presque. Mais Non, mais moi, je retrouverai jamais. Je vais pas le faire 100 fois, donc je vais le dire, mais c'était DJ de Diams. Ah, putain. Ah, non, je sais pas du tout. Ah, oh, c'est chaud. Enfin. Laisse-moi kiffer la vibes avec mon mec. Non, j'étais pas du tout. Pardon. Marion, tu veux le tenter? Non, bah non, je sais pas faire ça, moi, je n'ai pas ce talent. Ah ouais, bon. Il n'y a pas ce don. Non, je n'ai pas ce don. Je sais pas s'il y a des gens qui auront écouté qui seront restés à écouter jusqu'à la fin de l'épisode, mais vraiment... Ouais, génial. Putain, non, mais mon podcast, c'est vraiment, j'ai l'impression que ça va être le moins cultivé de tout. Ah non, bah écoute les autres, tu seras pas déçu. Ouais, il y a pas trop de culture dans les autres. Le niveau était quand même déjà... assez bas, mais alors là on a atteint mais des sommets. Je pense qu'on est bien bas là. T'inquiète, avec Arthur, on a fait le même jeu mais en toussant. Voilà. Donc voilà. Un jour un talent. Nos régions ont du talent. Voilà. Nos régions ont du talent. Il fallait bien le faire à un moment donné, franchement. J'étais sûre d'aller faire ça. Incroyable. Bah oui. Bah oui. Écoute, on peut pas s'en empêcher. Non. Ça fait 10 ans. On va arriver à la fin de notre podcast, Mylène. Est-ce que tu as une recommandation à faire aux gens? Donc, soit quelque chose à faire, soit quelque chose à boire, à manger, t'as déjà fait, à lire, voir, à la téloche. Un film à voir que j'ai vu il y a pas par exemple. Ans. Ouais, parce que vous conseillez quelque chose. Vous tapez 15 km dans les vignes comme moi aujourd'hui, prenez l'air quand vous pouvez. Ouais, c'est un peu compliqué. Ça, voilà, pas, ça, malheureusement. C'est pas possible. Non, un film que j'ai vu last week-end. Oui, parce que le week-end, voilà, je vois un film. Ah, tu te lâches le week-end, oui. Je me lâche. Green Book, que j'ai vachement apprécié. Enfin, qu'on a apprécié avec Yann, on a vachement apprécié ce film. Ouais, il est super bien. Je l'ai pas vu, moi. Il est vraiment cool avec Viggo Mortensen et Mahershala Ali. Ouais. On a bien, bien aimé. Et voilà, après, autre chose à vous conseiller. Et Yann, il a quoi à conseiller? T'as quoi à conseiller? Un livre, un plat, enfin, ce que tu veux. Une anecdote, je sais pas. Une blague. Ah, il a un autre film, Paralyte, à vous. Ah oui, bah ouais, pas si longtemps. Il est trop bien. Ouais, il est vraiment génial. On a kiffé aussi. Ouais, il est super cool. Voilà. Ok. Et. Qu'est-ce qui a illuminé votre journée? Non, moi, bah, le soleil que j'ai pris dans la gueule et qui m'a cramé la gueule, j'ai les lèvres toutes irritées. Voilà ce qui a illuminé ma journée. Bah super. C'est la seule connasse qui va sortir avec des coups de soleil de tout ça. C'est clair. Ah non, mais j'en fais trop chier aujourd'hui. Non, quelque chose qui a illuminé ma journée. Le rougail saucisse que m'a fait Yann à midi et qui était super bon, ouais. Wow. Mais en fait, Yann, il passe sa journée à faire la cuisine, si je comprends bien. Mais il reste chez moi, alors c'est vrai que c'est trop plaisant d'avoir un bon plat quand tu rentres. Voilà. Wow. Je suis vraiment trop content. Bien. Et Yann, qu'est-ce qui a illuminé ta journée? Qu'est-ce qui a illuminé ta journée, Yann? Le qui marche. De quoi? Quoi? Le NT qui marche. Ah putain, il remarche. Alors le NT, en fait, c'est la plateforme en ligne pour les profs, parce que Yann est prof d'histoire. Et donc, c'est la plateforme en ligne genre pour faire l'appel et pour mettre les devoirs pour les élèves. Et donc ça remarche aujourd'hui. Eh bien, fantastique, ça leur aura pris qu'une semaine. Putain. Voilà, donc il est heureux. Le son est heureux. J'imagine bien, ouais. C'est bien. Toi, Marion, qu'est-ce qui a illuminé ta journée? Moi, faire le gâteau aux pommes et vraiment avoir l'appartement qui embaume, un mélange de beurre, de sucre et de cannelle, c'est vraiment jouissif. Ouais. Voilà. Ouais, parce que depuis qu'on a rompu le jeûne de sucre, vraiment, on se vautre dedans. mais oui, c'est vrai, vous étiez dans ça. Ouais, deux semaines. Ben, en vrai, personne ne nous croira, mais si on n'avait pas été en confinement, moi, j'aurais tenu jusqu'au bout. Ouais, grave. Vraiment. Mais là, moralement, c'était difficile. Non, c'était horrible. Ouais. Non, franchement, c'était... Non, mais ouais, en vrai... Bah, tu sais quoi, on va recommencer quand... Bah non, parce que moi, après, je vais me faire opérer, il faudra que je bouffe du sucre. Bah, moi, je recommencerai après le confinement. Voilà. Ok. Mais là, non, c'était pas possible. Fuck, hein, c'est bon. Ouais, on en pouvait plus. Si on est dans cette merde pendant 45 jours, c'est bon. Ah bah, on était en train de tomber en dépression. Oh, c'est bon, ouais, c'était... On avait plus le goût. On avait plus le goût, rien, hein. Non. Plus le goût de rien, là. Voilà. Donc là, j'ai vraiment mis la plaquette de beurre, 3 tonnes de sucre, j'ai fait caraméliser les pommes et tout. Ça va être orgiaque. Ça va être fou. Voilà. Voilà. Et ben, moi, qu'est-ce qui a illuminé ma journée? Bah oui, bah, l'odeur de ce gâteau, hein, on va pas se mentir. Mais aussi, et c'est pas encore arrivé. Non, mais j'ai fait la même chose hier. J'ai dit que j'allais regarder RuPaul, que j'ai même pas regardé. Ah. Mais ce soir, je vais jouer à Blanc Manger Coco en ligne. Ah ouais. On peut jouer en ligne. J'avais ouais. Pas. Et du coup, je suis contente de faire ça. Voilà. Et ben, écoute, Mylène et Yann, merci d'avoir répondu à notre appel. Bonne app. Bonne app. Ouais, vous allez vous régaler. Je commence à avoir sacrément la dalle. Ouais, j'imagine. Je comprends. Restez à couvert. Mm-mm. Et le premier dehors est fan de... Des enfoirés. Oh, quelle horreur. Oh, génial. Putain. Génial. Ah, bah, toi, en plus, tu vas sortir. La loseuse. Elle adore Michel Larocque. je déteste les enfoirés. Elle est fan de Cadmérade déguisée en prêtre. Oh. Bon, bah. Allez, bisous. Bah, bon courage, surtout mineur. Allez, bisous. Et puis, à la prochaine. Et voilà. Je vous aime. On t'aime, mais il ne le sait pas encore. Bye. Salut, bonne enfoirée, ne sortez pas de chez vous. Ne serrez pas des mains, ne faites pas des bisous. Combien de fois vais-je devoir le répéter? Bande de malpropres. Mon enfoiré, ne sortez pas de chez vous. Ne serrez pas des mains, ne faites pas des bisous. Combien de fois vais-je devoir le répéter? Bande de malpropres. Point qui va sans le confinement. Il y a des règles qu'il faut respecter. En tout cas, c'est pas compliqué si on est très bien élevé. Point qui va sans le confinement. Il y a des règles qu'il faut respecter. En tout cas, c'est pas compliqué si on est très bien élevé. Ce matin, je regarde les actualités. Je m'aperçois que des gens vont faire leur marché. Je me dis comment c'est possible, ils sont sérieux. Franchement, dans leur tête, ça ne va pas mieux. Comment se fait-il qu'ils n'ont pas de provision? Est-ce qu'ils ont regardé le discours de Macron? Le bouc a pris des mesures plutôt sévères. Mais les gens dans la rue, ils n'en ont rien à faire. Bande d'enfoirés de merde à la con. C'est à cause de vous qu'il y a la contagion. On vous demande pas de vous engager dans l'armée, mais juste de rester sur votre canapé. Mais vous continuez vos petites affaires. Je vous le dis franchement, vous êtes tous des débiles. Le coronavirus a franchi nos frontières. C'est pas comme le nuage de Tchernobyl. ville. Franck et Vincent, le confinement, il y a des règles qu'il faut respecter. En tout cas, c'est pas compliqué si on est civilisé. Franck et Vincent, le confinement, il y a des règles qu'il faut respecter. En tout cas, c'est pas compliqué si on est civilisé. Durant cette période, t'inquiète, j'ai tout prévu. J'ai des pâtes, du riz, de l'huile, des DVD. Netflix, Amazon Prime et 2-3 films de cul. S'il y a plus d'électricité, j'ai toujours mes BD. J'ai aussi des masques que j'ai mis de côté. Mais ça permet pas vraiment de bien chanter. J'ai du papier toilette pour tenir pendant des mois. Sinon, il y a toujours 2 ou 3 livres que je lis pas. J'ai pas besoin de sortir, mes voisins sont des cons. Ils sortent pas leurs poubelles, c'est vraiment des souillons. Je suis sûr qu'ils ont attrapé la maladie. Quand je passe devant chez eux, il y a une odeur pourrie. Je me suis plaint plusieurs fois à l'agence de location. On m'a dit, monsieur Vincent, franchement, y'a pas de raison. Maintenant, c'est le confinement, je peux pas déménager. Si jamais ça dégénère, ma carabine, elle est chargée. Franck et Vincent, le confinement, il y a des règles qu'il faut respecter. Ça n'a pas l'air très compliqué, mais nous, on est mal barrés. Franck et Vincent, le confinement, il y a des règles qu'il faut respecter. Ça n'a pas l'air très compliqué, mais nous, on est mal barrés. J'ai fait des provisions, Francky est prévoyant. Le gouvernement fait n'importe quoi, on dirait un malvoyant. Vous nous parlez toujours de distanciation sociale. Pourquoi vous avez maintenu les municipales? Vous avez baissé le budget de la santé alors que les services soignants sont débordés. Agnès Buzyn, c'est vraiment la reine des connasses. Il y a 2 mois, elle nous dit qu'il n'y a pas de menace. Puis il y a 3 jours, elle assure qu'elle était au courant. Je veux pas être vulgaire, mais je dis cougna maman. La crise sanitaire actuelle, c'est de votre faute. On n'aurait pas dû écouter vos parlottes. Il y a plein de politiciens qui l'ont attrapé. C'est pas très chrétien, mais je trouve que c'est bien fait. Toute façon, ils sont suivis par 3 médecins. Nous, dans nos hôpitaux, ils nous laissent crever comme des chiens. Franck et Vincent, le confinement, c'était vraiment pas très compliqué. Y'avait des règles à respecter, mais nous allons tous crever. Franck et Vincent, le confinement, y'a des règles qu'il faut respecter. C'était vraiment pas compliqué, mais on va tous décéder. Bon enfoiré, ne sortez pas de chez vous. Ne serrez pas des mains, ne faites pas des bisous. Combien de fois vais-je devoir le répéter? Bande de malpropre. Bande de malpropre. Bande d'enfoirés, ne sortez pas de chez vous. Ne serrez pas des mains, ne faites pas des bisous. Combien de fois vais-je devoir le répéter? Bande de malpropre. Bande de malpropre.